Circonstances du monde, immature et incapable de t'échapper. Le cycle s'est inscrit en ces si longs jours de vie, en ces si longs jours de vie, infini remous. La vie s'est liée à ces circonstances du monde, immature et incapable de t'échapper. Le cycle s'est inscrit en ces si longs jours de vie, en ces si longs jours de vie, infini remous. Thank you.